Je suis de Saint-Étienne-Loire, où ce qu'on fabrique au jour le jour, des fusils, instruments de gloire, et des rubans, objets d'amour. Ma mère à la passementerie m'avait voué dès mes jeunes ans, mon père étant dans l'armurerie, rêva pour moi la vie. Moi j'ai suivi comme un bétail le goût de papa, j'aurais mieux fait assurément d'écouter maman. Tenez, j'avais une bonne amie, me voyant flotter vaguement entre le comptoir de mercerie et les douceurs du régiment. Celui que j'aimerais, me dit-elle, portera le casque de dragon. Je m'engage pour plaire à la belle, et quand je reviens dans le canton, je la retrouve mariée. Savez-vous qui elle avait épousé? Un petit Mercier, petit Mercier. Tout cela pour avoir suivi comme un bêta le goût de papa. J'aurais mieux fait assurément d'écouter,